Oui, je le veux. Jean-Paul m'a donné rendez-vous au bistrot d'en face. Je souris intérieurement. Nous approchons du 15 du mois et doit être pressé de dépenser nos derniers sous pour ne plus avoir à s'en inquiéter. Après quoi, on pourra passer à autre chose, redevenir créatif, me dira-t-il avec un clin d'œil. L'argent n'est qu'un outil, une énergie, il est ton serviteur. Ne le laisse pas te dominer, me chante-t-il sur tous les tons depuis que nous nous connaissons. Mais voilà, si ma tête est d'accord, mon estomac se tord et résiste. Mes appréhensions persistent, m'obsèdent. J'ai du mal à dépasser mon atavisme paysan lourdingue. Je tente de lui faire comprendre que l'argent en soi ne m'est rien. Je ne suis ni possessive, ni vénale. Il le sait bien, voyons. Il rit, me répète l'histoire de sa traversée du désert, quand il devait tirer au sort celui qu'il pourrait payer. Après quoi, il ne lui restait plus grand-chose pour se nourrir et encore moins pour fumer. Il lui arrivait de partir à la chasse aux mégots. Depuis, il n'a plus jamais peur de manquer. Et il n'y a toujours pas de quoi avoir peur ce soir. À la maison, le réfrigérateur est plein, idem pour le réservoir de la voiture, la rente est garantie à la fin du mois, et en principe pour de nombreux mois à venir. Tout le monde ne peut pas s'en vanter. Nous avons même un toit sur notre tête. Charlotte dort, calme et sereine, dans son berceau, dans sa chambrette, de l'autre côté de la rue. C'est pour cela que nous venons ici. Le babyphone fonctionne très bien à travers les murs. Alors, encore inquiète ? Non, momentanément. Il est assis en face de moi. Je le regarde, je le trouve beau, viril sans ostentation, brillant. Et je suis bien placée pour savoir qu'il est un vrai gentleman. Je me demande s'il va enfin me demander de l'épouser. Quand j'ai décidé de vivre avec lui, nous occuper de Charlotte, ensemble, sonnait comme une évidence. Maintenant que nous faisons ménage commun, j'ai besoin de savoir s'il va s'engager formellement vis-à-vis de moi. Mon surmoi maternel est puissant. Je boue intérieurement au souvenir de certains regards méprisants de ma chère maman. Certaines phrases assassines et récurrentes du style « Il ne t'épousera jamais » traduisez « Parce que tu ne le vaux pas ». En attendant, j'ai l'impression que nous n'avons pas les mêmes idées sur le mariage, lui et moi. Malgré mon âge avancé, j'en suis restée à des idées fleurs bleues. Crinoline, cheval blanc, prince charmant, valse lente. Sans parler de la sacro-sainte sécurité. De l'assurance anti-solitude pour l'éternité. Alors que pour lui, le mariage ne représente en aucun cas la sécurité. Encore moins une garantie d'amour éternel. Il a payé. Et il paye toujours, pour le savoir. Et c'est bien parce qu'il reproche à notre société son hypocrisie en ce qui concerne l'institution, qu'il considère comme obsolète, caduque, sans aucune valeur spirituelle, qu'il hésite. À notre époque, le divorce est la deuxième cause de pauvreté après le chômage. Nous en sommes, lui comme moi, à notre second divorce. Partout autour de nous, nous ne rencontrons que des couples déchirés, des foyers recomposés, financièrement exsangues. Les seuls vrais gagnants de l'histoire sont les avocats qui s'engraissent joyeusement sur le dos des pauvres diables, nous. Je lui donne entièrement raison, c'est vrai que l'institution n'est plus ce qu'elle était. Je le sais, et on pourrait gloser là-dessus jour et nuit pendant des années. Mais va-t-il faire de moi une honnête femme, oui ou non? Je m'interroge d'autant plus que depuis quelques jours, nous savons que je porte notre enfant. Alors, je me fais tout un cinéma et baigne dans les grandes remises en question concernant la bâtardise, agrémentée de certaines images bien dramatiques tirées tout droit de la lettre écarlate de Nathanaël Autant. Pourtant, hier matin, j'ai enfin réussi à échapper à la fatalité de mon conditionnement et à mettre de l'ordre dans la confusion de mes sentiments. Manifestement, il avait su me rassurer. J'ai pu me rallier à ses vues, et à mon grand étonnement, je n'ai plus ressenti tout à coup ce besoin impératif de nos signatures au bas d'un parchemin pour me sentir en sécurité. Je le lui ai dit avec un grand sourire. Il a eu l'air content. Le serveur est là. Nous passons la commande. C'est un restaurant italien. Le patron est fier de son chef, à qui il a tout appris, dit-il, et qui invente sans arrêt de nouveaux plats. Ce mois, il propose comme hors-d'œuvre un festival de pâtes. Fraîches, bien entendu. Ravioli, fettuccine, penne, tagliatelle et bien d'autres dont je n'ai jamais entendu parler. Va pour le festival. Suivront des piccata milanaises avec un riz au safran. Et vous nous gardez du tiramisu pour le dessert, n'est-ce pas ? Oui ? Parfait. En attendant que notre premier plat arrive, nous continuons cette conversation commencée il y a plus d'un an, qui évoque l'incroyable miracle de notre rencontre, de notre amitié qui a su se développer en dehors des chemins habituels de la séduction. Ce partage de nos similitudes depuis notre plus tendre enfance, des valeurs que nous avons cultivées chacun de notre côté et qui, comparées aujourd'hui, nous rapprochent. Il est vrai que nous avons tant en commun que j'avais beau jeu de lui dire hier matin qu'il n'avait rien à me prouver, que je lui étais totalement acquise. « Pareil pour moi, » répond-il en déroulant sa serviette. « Pareil pour moi. » Les pâtes sont servies. Enfin, c'est bien beau toutes ces discussions, mais ça creuse. Gourmand, gourmet, autant l'un que l'autre, nous les savourons. La cuisine est bonne ici, vraiment. Dit-il, voilà qui fera une superbe entrée pour notre repas de noces. Quoi ? Comment ? Je m'étrangle, répète ! J'ai rougi jusqu'à la racine des cheveux, perdu tous mes repères. Je reste bouche bée pendant qu'il extrait maladroitement du fond de sa poche un sachet en papier craft qu'il ouvre aussi délicatement qu'un écrin. « Tu m'épouses ?» demande-t-il, bégayant tout de même un peu, en extrayant deux anneaux en hématite noire. Gravement, solennellement, comme des gamins, nous nous passons la bague au doigt. Ensuite de quoi il daigne enfin m'expliquer la raison de son revirement. Il me dit qu'à partir du moment où je lui fais plus confiance qu'à un contrat, il peut se permettre d'exaucer mon rêve de mariage sans se sentir piégé par un système auquel il n'adhère pas. Manifestement, ma réponse a été positive, même si je suis absolument incapable de m'en souvenir aujourd'hui. Par contre, une chose est sûre, et je n'ai jamais oublié, ce soir-là, je n'ai pas réussi à avaler mes piccata milanaises, et c'est sans aucun scrupule que mon mari a dévoré nos deux assiettes.